Il vous dirait, il me semble, vous dépeuplez le monde et puis vous faites appel à une multiplicité de monde. Or, nous, ce qu'on fait, c'est on voit, on sent, on est avec cette pluralité. On essaye de fabriquer, c'est tout le vocabulaire de la fabrication, de la construction du faire avec, de la compréhension. Oui. À partir de cette multiplicité-là. Oui, il n'y a pas un mode de vie, il y a déjà une multiplicité. Voilà. Celle qui est écrasée par des forces unimondialisantes. Mais... Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, j'en discutais avec quelqu'un qui est ici, qui disait en ce moment, enfin, depuis une dizaine d'années, il y a un foisonnement de tentatives collectives, enfin, de gens qui essaient en tous les sens de réinventer des modes de vie, une espèce d'effervescence comme ça, mais qui est très presque tacite, qui est presque invisible, mais qui est énorme, parce que un petit peu comme David parlait du duende au moment du fascisme, bah, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement qui essaie de trouver son langage, et c'est ce qu'on aime ici en fait. C'est pour ça qu'on est ici, c'est qu'on trouve qu'il y a vraiment une tentative de cet ordre-là, mais qui elle-même rentre en résonance avec plein d'autres luttes, avec plein d'autres tentatives à l'échelle du monde, que ce soit bon, plus localement à Notre-Dame-des-Landes par exemple. Là aussi, c'est la question d'un mode d'habiter. Comment un mode d'habiter, c'est pas la question de l'aéroport en fait. L'aéroport n'est que le représentant de ce pouvoir biopolitique qui essaie d'organiser toutes les circulations à l'aune de l'économie. Et là, ce qu'il s'agit, c'est d'opposer au règne général de la loi économique, de dire non, il y a des modes de vie, des multiplicités de manières de vivre qui supposent la possibilité d'un espace, d'un lieu de vie. C'est ça qui est en jeu pour nous à Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment cette idée de l'invention de modes de vie collectifs. Et ça, ça rentre en résonance avec les luttes autochtones, avec des luttes, même avec des mouvements comme des Occupy Wall Street, tous ces mouvements d'occupation. Ce qui est intéressant dans ces mouvements d'occupation, c'est pas l'idée d'occupation, parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce contre quoi ils vont, c'est contre l'occupation, justement. C'est contre le fait que le pouvoir occupe l'espace. Et le fait d'aller investir des espaces, c'est dire on a besoin, tout simplement, de lieux pour se rencontrer à nouveau. Parce que l'espace est complètement occupé. Et ce qui se joue derrière, moi, je pense, c'est l'idée comment réhabiter le monde. Comment on réinvente des modes collectifs pour habiter le monde. Et ça, il s'agit en même temps de les inventer, mais il s'agit aussi de permettre la survivance, la persistance de formes qui ont existé et qui essayent encore de survivre. Donc c'est là où on n'est pas dans le schéma révolutionnaire d'un homme nouveau, on va réinventer un modèle politique. Non, c'est au contraire redéployer une multiplicité de temps, c'est-à-dire et redéployer une multiplicité d'espace. Donc c'est moi je pense que la question de l'habiter est un enjeu politique fondamental aujourd'hui. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment là que ça se joue. Et la question de la désappropriation, c'est comment rendre possible, là, sur un plan conditions matérielles, je dirais, rendre possible l'habiter lui-même. La désappropriation est la condition de possibilité de l'habiter. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un mouvement de désappropriation, on ne pourra pas habiter. Désappropriation, ça veut dire libérer les espaces. C'est se défaire de l'occupation. Et non pas reterritorialisation. Voilà. C'est ça. Et puis l'écart qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, quand on dit habiter, c'est quand on dit on peut habiter l'écart, c'est à la différence de occuper un espace. Hein. Donc l'écart, il s'habite parce que tout simplement, il n'est pas soumis à un habitacle, à quelque chose qui vient le contenir. Donc là, quand tu reviens justement à la différence, qui a déjà fait Deleuze, hein, entre la pluralité, celle d'une certaine social-démocratie ou même d'une certaine façon de penser à travers des constructivistes, c'est-à-dire que la pluralité, elle s'organise, la multiplicité jamais, elle advient dans la multiplicité, enfin, parce que les formes sensibles, parce que les écarts sont les plus grands, ce qui offre le plus d'intensité, donc offre le plus d'espace sensible à habiter. Donc là, autant on peut construire de la pluralité, ce que certains appellent dans certaines sciences la complexité, autant pour habiter, on habite toujours la possibilité que, à partir duquel une multiplicité puisse advenir. Multiplicité, c'est pas une pluralité. Multiplicité, elle n'a pas de visage, a priori. Elle ne peut pas être appréhendée en termes d'objets. Donc là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, par exemple, dans les cartes que fait Deligny, c'est qu'à un moment, notamment sur une carte, il dit il y avait un des enfants, donc autiste. Et là, par rapport à la figure de l'autiste, c'est intéressant, parce que justement, il va chercher cet être qui est au seuil du langage, qui n'est pas dans le langage. Donc, comment vivre, c'est sa question. Comment vivre s'il n'y a pas un langage commun. C'est là où il va repenser, ben justement, c'est là où il va dessiner ses lignes pour voir comment il y a des coexistences, des passages qui fait qu'il y a possibilité dans un topos, et en même temps à travers l'articulation de ces passages, de redéployer un topos, un lieu de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, à un moment, il y avait un enfant qui revenait, qui tournait toujours autour du même endroit. Et en rencontrant des paysans qui habitaient dans le coin, les paysans lui ont dit qu'à cet endroit-là, avant, c'était un lieu où les paysans, où il y avait un pont que les paysans traversaient. Enfin, il y avait quelque chose par rapport à l'eau. Et donc, c'était vraiment un lieu très important dans la vie du collectif, mais qui avait disparu, qui n'était plus perceptible. Et donc, c'est comme si l'enfant avait senti la persistance de cette mémoire. Et donc, c'est là qui est vraiment intéressant. C'est donc, il prend en compte ce que nous, on appelle l'immémorial, c'est-à-dire la persistance de toutes ces traces qui font que, des fois, elles ne sont pas perceptibles. Il n'y a plus de traces visibles, mais ça persiste sous un autre mode, sous un mode qu'on pourrait dire infraphysique. Donc, c'est ça aussi, c'est cette question de la mémoire, de l'immémorial qui nous intéresse. C'est-à-dire que tous les lieux sont traversés, sont habités par des traces, mais qui ne sont pas toujours perceptibles. Et ça suppose d'y vivre pour pouvoir, à un moment, que ces traces en fait, rendent possible des rencontres. Mais des fois, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, on le découvre après. Que là, à cet endroit-là où il y a eu telle rencontre, en fait, a été déjà chargé en fait, d'une mémoire de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la psychothérapie intentionnelle, dans la manière dont... notamment Houry pense le collectif, pense le mouvement institutionnel, qui est toujours indissociable aussi d'un lieu. Je veux dire, la Borde, c'est un lieu de vie. Quand on arrive, c'est un lieu ouvert, où il y a un château avec des annexes. C'est un lieu de vie. Et s'il n'y a pas de lieu de vie, un jardin, des animaux, une cuisine. Et c'est ce lieu de vie qui permet les rencontres. Alors, pour rebondir aussi là-dessus, je pense que c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, ça fait penser justement à la question de l'anthropologie. Ou soi-disant, son vecteur qui le qualifie, ça serait d'être sur le terrain. Et là, on voit bien, si on le pense tel qu'on le pense, le fait d'habiter n'est pas du tout en la même perspective de dire « je suis sur le terrain ». Parce que tout simplement, habiter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton espace sensible a suffisamment été touché pour que ta relation aux êtres ne soit plus la même façon et que toi-même, tu te laisses habiter par le lieu. Et que certains, là, par exemple, les anthropologues, osent dire c'était lequel là quand il en est passé par le rêve, non? C'était quoi celui-là? Oui, c'était un anthropologue qui avait été dans une communauté dans un collectif pour qui le rêve est central dans l'organisation, justement dans le mode d'articulation du collectif. Et à un moment, il se posait une question, là, d'un point de vue presque éthique, sur est-ce qu'il devait ou pas faire je sais plus quoi qui pourrait être problématique du point de vue de la communauté. Et en fait, il se posait ce problème éthique et il a eu une réponse en rêve. Et il s'est dit, est-ce que je donne, quel statut je donne à ce rêve, sachant que moi-même je suis dans un collectif pour qui le rêve, c'est par le rêve que justement on accède à la connaissance, que la connaissance n'est pas liée à une enquête qui suppose des objets visibles, mais que le rêve a une fonction centrale. Et là, il se posait la question, et là, c'était beau, parce que c'est-à-dire que là, il y a rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, il est capable de se désapproprier, se laisser étranger, justement, par de l'altérité, quelque chose qui met en crise son système de référence. Voilà, c'est vraiment intéressant. Pour moi, là, il y a vraiment un travail anthropologique, mais qui n'est plus justement pris dans la science anthropologique. Mais il y a la possibilité d'une rencontre par-delà la science anthropologique. Donc là, ça devient intéressant. Mais ça suppose un habiter. Ça suppose d'être avec à un moment, d'habiter avec. On ne peut plus prendre l'autre pour objet. Donc, quand c'est question d'habiter, est-ce qu'on pourrait creuser la question des corps? Parce que, en parlant par exemple d'écart pur, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décorporisation? Tout contre cette espèce de réduction du corps à des gènes. L'écart est toujours déjà habité en fait. Hein. C'est pas un écart abstrait. C'est simplement ce qui fait que, à même le monde, se trame quelque chose qui n'est pas tout de suite, enfin qui n'est pas manifeste, mais qui fait que de la vie est possible. De la rencontre est possible et que donc ce qu'on appelle le pathique, c'est le caractère même de pouvoir être touché et d'être touché. Donc en fait, l'écart est déjà pathique toujours, c'est-à-dire qu'il est le lieu, on va dire, tacite qui rend la vie dont les expressions deviennent manifestes. Mais en fait, l'écart, il est toujours empreinte pathique. C'est pour ça que l'écart, ça évite de penser des éléments ontiques, c'est-à-dire où il faut déjà déterminer des éléments. C'est, en fait, c'est un seuil toujours mouvant. Voilà. C'est-à-dire que l'écart, ce n'est pas rien, ce n'est pas du rien, ce n'est pas du vide, comme on disait tout à l'heure. C'est les seuils par lesquels les corps vont prendre des consistances. C'est-à-dire qu'il y a toujours déjà du corps, en fait. Mais il y a des prises de consistance des corps, qui fait qu'à un moment, il y a une prise de consistance qui va produire, déployer un espace psychique. Il va y avoir une prise de consistance qui va déployer un espace, on pourrait dire, physique ou perceptif. Donc en fait, il y a toujours déjà du corps. En fait, pour nous, c'est pour ça que en fait, l'écart pur, il est lié au concept de spectralité. Pour nous, le monde est toujours... En fait, c'est un battement spectral. Mais par spectre, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le spectre au sens du revenant. C'est plutôt le fait que dans l'idée de spectre, il y a l'idée, justement, qu'il y a toujours du corps. C'est une espèce de corps intervallaire qui est là et pas là. Donc c'est plutôt cette dimension-là qui nous intéresse. Donc la spectralité, c'est la condition de possibilité, on pourrait dire, de cette multiplicité des corps. Et leur advenu en monde, c'est quand ils traversent des seuils, quand ils prennent certains seuils de consistance. Donc il y a toujours déjà de la spectralité à l'œuvre. Et on pourrait dire que le pathique, c'est le déploiement en monde de cette spectralité mouvante de ce qu'on appelle le naturé. On ne parle pas de la nature, mais on parle de ce mouvement persistant qui sans cesse réouvre la multiplicité des corps. Dans l'écart, en fait, c'est ce qu'on appelle le naturé. Et c'est pour ça qu'on allait rechercher Vernon, qui repense justement, qui revient au fait qu'au grec n'avait pas de mot pour corps, parce qu'il était tellement soumis au sensible, au caractère mouvant, et surtout disponible à toutes les formes, à ce qu'un dieu ou autre force. Oui, parce que les dieux avaient des corps. Alors le corps ne peut pas être soumis comme une entité rationnelle et raisonnable. Et en fait, le mot soma désigne le cadavre. Le moment où on peut certifier, mais ce moment de certification plus est très faible, puisque derrière, justement, Aphrodite et autres peut, normalement, doit accompagner ce cadavre au trépas. Donc en fait, le moment du cadavre, c'est-à-dire le moment du trépas, de ce moment seuil, indique un certain corps qui va être le corps de la médecine par la suite. C'est-à-dire ce certain corps le plus identifiable possible, et que l'infime moment de tout ce qui fait un avant et un après, en quoi ce corps est toujours pathique, en quoi toujours mouvant. Dans un avant et un après, mais pas un avant et un après le vivant, dans le sens, dans un avant et un après, pris dans une métamorphose, dans différents temps, dans différentes acceptions de son apparaître. Donc il n'y a pas le corps, en fait. Pour nous, il y a toujours déjà une multiplicité de corps, c'est-à-dire des seuils de consistance, et qu'on ne peut pas objectiver, parce que c'est des seuils, et que le seuil est toujours mouvant. Et par exemple, c'est de ce point de vue-là, c'est le concept de pathique qu'on reprend donc, d'un anthropopsychiatre qui s'appelait Victor von Weizsäcker. C'est lui qui en fait a essayé de repenser le geste médical, c'est-à-dire le rapport en fait entre le médecin et celui qui se présente comme malade, celui qui vient en fait, qui fait une demande auprès du médecin, sous le mode non plus ontique, c'est-à-dire d'observer, de diagnostiquer une maladie, mais sous le mode pathique de la maladie. En fait, c'est une crise. Crise veut dire décision. C'est-à-dire que c'est une crise qui attend en fait une décision qui n'arrive pas à se prendre. Et cette décision, en fait, la crise ouvre à la possibilité d'une transformation. Et donc il s'agit de prendre le travail du médecin, c'est d'accueillir cette charge pathique, en fait, cette relation pathique, c'est de rendre possible d'accompagner une transformation. Alors cette transformation, la crise peut aussi aller vers la mort, mais il y a une transformation qui est à l'œuvre. C'est très intéressant parce que du coup, en déplaçant de l'ontique au pathique, c'est justement toute la question de la transformation qui est en jeu. Mais ça redéploie complètement l'espacement entre le médecin et le malade. Ça présuppose plus le médecin et le malade, mais ça suppose qu'ils rencontrent. Et il le dit, le médecin lui-même est pris dans la transformation. C'est-à-dire que c'est pas lui simplement qui accompagne la transformation de l'autre, mais il y a rencontre du médecin et du malade. Et il y a ce que Deleuze appellerait un devenir. C'est-à-dire qu'il y a un espace intervallaire qui s'ouvre, se déploie, qui rend possible une transformation. Et c'est ce que, notamment, Houri a beaucoup repris, justement, pour dans sa pratique psychiatrique à la borne. C'est vraiment cette dimension du patique. Et donc pour nous, le patique, c'est ce qui permet, en fait, c'est l'advenu en monde de ces différents seuils de consistance par lesquels passent les corps. Et oui, je parlais d'Heidegger parce que justement, lui, il allait contre le concept de psychosomatique. Ce qu'il disait, ça présuppose encore ce partage entre psyché et soma. Il dit, alors que lui, il dit, mais non. C'est pour ça qu'il parlait d'anthropologie. Il voulait développer une anthropologie. Il était médecin à la base. Mais c'est une anthropologie générale, en fait, son projet de pensée. Parce que, pour lui, on ne pouvait pas dissocier à l'intérieur de l'homme justement les différentes dimensions qui le composent. Et qui dit, à un moment, une maladie sur un plan physiologique, elle peut rentrer en résonance avec une crise psychique ou avec une crise d'un autre ordre, sur un autre niveau, et que le médecin, il doit pouvoir accueillir cette résonance-là. Et qu'on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui est cause de quoi, où exactement ça se joue. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement évacuer toute possibilité d'agir sur un plan physiologique. À un moment, voilà, il y a une maladie, un cancer, il y a quelque chose, ou il y a besoin d'une opération. Mais c'est ne jamais nier que ça rentre toujours déjà en résonance avec d'autres dimensions. Pour lui, il fallait prendre l'être humain dans ses différentes dimensions. Et pas le saucissonner, le sectionner à partir de disciplines. La psychologie d'un côté, la médecine de l'autre, etc. Donc le travail et la question du patique, c'est justement tous ces espaces intervallaires, c'est la possibilité de prendre en compte que le seuil est toujours mouvant entre psyché, soma, entre les différentes dimensions qui composent un individu, un être humain. Les implications politiques dès lors de cette conception de la décision. Ah oui. Vous parlez de décision, voilà, le rapport au volontarisme et peut-être dès lors aussi parler un petit peu de la question de ce qui a tenté de se penser comme saut parfois ou d'acte. Oui. Bah alors nous, justement, à partir de Weizsäcker notamment, on repense complètement la décision sur un mode non volontariste. C'est-à-dire que, alors là, on s'inscrit complètement à l'inverse des pensées de Carl Schmitt, par exemple. Pour nous aussi, Carl Schmitt, c'est la pensée de la propriété, de la terre, c'est vraiment notre étranger complet, mais je veux dire, au sens ce qui pour nous exerce une domination. Donc c'est pas pour rien qu'il il a soutenu le nazisme, mais non, par décision au contraire, la décision en fait nous échappe toujours déjà. C'est-à-dire que c'est ça qui nous intéresse dans le terme de crisis qui prend le sens de en même temps que c'est ce qui serait une conflictualité se révèle dans la crise. Il y a un conflit à l'œuvre. Et c'est de ce conflit qu'une décision va surgir. Mais d'une certaine manière, la décision surgit aussi dans l'intervalle. C'est-à-dire qu'elle échappe aux êtres qui sont mis en jeu dans la crise. Et c'est là où c'est intéressant ce que développe Weizsäcker. Il dit, dans la rencontre avec le malade, entre le médecin et le malade, ce processus d'accompagnement, de transformation réciproque, il doit faire que la décision, la crise s'ouvre en transformation. Et la décision, c'est ça. C'est ensemble, c'est tout ce processus-là qui va du conflit à la possibilité que ce conflit ouvre à une transformation. Donc elle échappe, en fait, à la fois aux médecins et aux malades. C'est pas un acte volontariste qui suppose un sujet qui dit « je décide d'aller mieux ». Non, ça suppose de travailler la conflictualité et de se laisser travailler par cette conflictualité, de faire en sorte de surtout pas figer la conflictualité en antagonisme. C'est pour ça aussi qu'on va contre Carl Schmitt, c'est qu'il suppose le partage ami-ennemi. C'est-à-dire il suppose un antagonisme avec des forces identifiées. Alors que ce qui est intéressant dans ce qu'essaye de penser Weizsäcker dans l'idée de conflit, c'est qu'il dit au final, les forces, ce n'est qu'après qu'on va les identifier. Ce n'est qu'après qu'on va transformer le conflit en antagonisme. C'est-à-dire que le conflit, on ne sait pas exactement quelles forces sont mises en jeu. Donc l'idée, c'est encore une fois de déployer l'espacement pour que les forces ne se fichent pas dans un antagonisme, parce que c'est l'antagonisme au final qui finit par détruire. Exactement comme quand on se fiche dans une identité, qu'on va vouloir identifier un ennemi localisé. Ça, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on va tout de suite figer en fait des forces qui devraient être mouvantes dans un antagonisme. Du coup, délimiter les frontières, etc. Donc c'est cette fixation finale qui aboutit à une destruction. Donc nous, au contraire, ce qu'on pense comme décision, c'est un processus non intentionnel en fait qui permet le passage qui fait que de la conflictualité peut se s'ouvrir une transformation. Mais une transformation, on ne sait pas exactement où elle va s'opérer, comment. Donc c'est encore une fois, et là aussi, c'est ça qui nous intéresse, c'est dans la psychothérapie institutionnelle, comment articuler des ouvertures, permettre des passages, qui font que petit à petit, les forces en jeu dans le conflit se déploient pour ouvrir à de nouvelles formes et ne vont pas se focaliser dans un processus de destruction. Donc là, sur un plan politique, on voit tout de suite les incidences que ça peut avoir. Ce qui fait aussi qu'on on s'est beaucoup intéressé au travail de Nicole Laureau, quand elle essaie de penser la stasis, qui a dit qu'au fond, le concept de cité grecque, et c'est le fait que les philosophes, Aristote, Platon, mettaient sans cesse l'accent sur la cité, c'était pas une manière d'évacuer, au final, la conflictualité qui est nécessaire en fait, à tout espace politique. Et qu'au final, ils voulaient sans cesse mettre l'accent sur l'unité de la cité plutôt que redéployer le kratos, non pas au sens du pouvoir, mais au sens, on pourrait dire, de cette puissance destituante du démos qui toujours persiste sous la forme, sous le risque, la modalité de la stasis potentielle. Et donc la stasis, encore une fois, la possibilité de la crise, de la conflictualité qui habite toujours déjà du collectif. Mais la question, c'est comment travailler cette conflictualité, pas de la renier, pas de construire le fantasme d'une unité ou d'une identité pleine, mais dire, on est toujours déjà travaillé par de la conflictualité. Enfin, c'est oui. Comment faire pour que les forces ne se transforment pas en des antagonismes destructeurs. Oui, et puis il ne faut pas entendre conflictualité dans le sens où ça serait un élément premier d'un espace politique. C'est simplement parce que si un lieu est habitable, c'est qu'il y a toujours de l'espacement à même l'espace d'habitation. Cet espacement, il doit être irrésolu, dans ce sens où c'est lui qui rend possible que quelque chose advienne, surgisse. Donc à ce moment-là, la conflictualité, elle est plutôt dans cette tension que nous, on nomme écart de contact, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut qu'il y ait bien un espace où on peut habiter, c'est-à-dire qu'on ne soit pas toujours dans une situation défait de sa puissance d'être ou la puissance de s'étendre à d'autres choses que ce qu'on en est. Et il faut aussi donc cet écart absolu qui doit être l'écart à partir d'où toute rencontre peut advenir. Donc la conflictualité, elle est plutôt dans cette tension, on va dire, entre écart de contact, de façon à rendre habitable un espace parce qu'il faut de l'espacement. Et que nécessairement, ça ouvre justement des tensions sensibles. Mais ça, on n'est pas obligé d'opérer préalablement un repérage de type conflictualité, antagonisme, ami-ennemi. Ah non, surtout pas. À quel ordre, à l'aune de quoi? Ça, c'est toujours un pouvoir qui va justement transformer une conflictualité, c'est-à-dire des forces mouvantes en tension. Qui peuvent des fois s'entrechoquer, qui va transformer en antagoniste, c'est-à-dire identifier en fait les forces en jeu, les camps. Il y a le camp, tel camp, tel autre. Si on les appelle militants de l'économie. Oui, par exemple, oui. Donc après, des fois, ça permet la lutte. D'un point de vue ponctuel, on peut dire, là, il y a un rapport de force à construire. Mais ne jamais le fixer, en fait. Parce que si tu le fixes, ça donne toutes les impasses du mouvement révolutionnaire. Ne jamais l'instaurer, si on peut dire. Ça institue, oui, forcément, des identités. Développer une lutte, c'est pas instaurer, puisque cette lutte engage un espace toujours mouvant. Il ne dit pas où on doit construire les bornes de son mouvement, en fait. Donc instaurer, c'est un peu le problème, d'instaurer déjà son ennemi. Par exemple, pour nous, le fond de la lutte, c'est vraiment la désappropriation qui doit l'indiquer. C'est-à-dire que c'est pas identifier a priori l'ennemi, c'est tous ceux qui nous empêchent d'habiter. En fait, de fait, on doit les combattre. Si on veut pouvoir habiter, c'est rendre possible les conditions de l'habitation. Mais c'est pas a priori définir qui serait l'ennemi. C'est plutôt partir d'un mouvement affirmatif. C'est on veut pouvoir habiter le monde. Donc qui nous en empêche d'habiter, qui essaie de nous dominer, on se soulève. On se soulève contre toute forme de domination, tout simplement. Et donc c'est ça. Mais c'est là, le mouvement est positif. C'est la question, c'est la possibilité de réhabiter le monde. simplement. C'est ça qui nous indique, c'est pas de se battre simplement contre. Et, mais après, juste par rapport à la question de... je reviens sur la question de la rencontre avec le loup, justement. Ce qui est intéressant, justement, ce qu'on a essayé de penser, c'est pour penser le domicile. Nous, la manière dont on a de penser le domicile, au sens où David disait tout à l'heure, on élit domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori un lieu qui serait notre maison, notre écos, notre chez-soi. Mais un domicile, c'est en fait ce qui... C'est le seuil qui va se dessiner à partir de la rencontre. C'est-à-dire, par exemple, combien de... Par exemple, si on prend des collectifs qui habitaient dans la forêt, de fait, ils devaient coexister avec des animaux, des fois, qui pouvaient les mettre en danger. Et ils habitaient sur le même lieu, dans le même espace de vie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où ils vont essayer de trouver des techniques, des lieux de passage, articuler, complètement réarticuler, restratifier l'espace-temps pour que la coexistence soit possible. Pour nous, le domicile, c'est pas la propriété qu'on va délimiter, c'est au contraire, c'est le seuil qui va se dessiner dans la rencontre. C'est-à-dire, en gros, là, pour pas que je me fasse bouffer par le loup, il va falloir qu'on se tienne à l'écart. Et pour se tenir à l'écart, par où on va passer? Et donc c'est ça qui va définir un domicile. C'est ce seuil de rencontre. Le domicile se définit à partir de la rencontre. C'est-à-dire dans le fait de ne pas exterminer l'autre, le loup, pour que moi je puisse vivre, mais en même temps de ne pas me faire bouffer par lui. Et en même temps, ça me demande aussi cet effort intervallaire d'être dans un écart, de ce qu'on pourrait appeler un devenir loup, dans ce sens où il m'oblige à ressentir l'espace d'une toute autre manière que ce qui m'obligerait quand je détermine déjà un espace de vie, je dirais, déjà approprié. Ça m'oblige toujours à ce que l'espace sensible dépasse mon registre de propriété, on pourrait dire humaine. En cela, on reprend aussi en partie ce que Lyotard a dit, s'il y a un inhumain en type de monstruosité, il y a un autre inhumain qui est de désappropriation. C'est-à-dire où l'homme fait l'expérience de ce qui le traverse et ce qui ne lui appartient pas en tant qu'homme. Voilà. C'est là où il peut aussi, c'est là ce qu'on appelle le dehors, en fait. C'est là où il y a possible rencontre avec des êtres non humains. Et la possibilité de penser des variétés de collectifs absolument infinies, en fonction des lieux, en fonction des topos, en fonction des formes de vie, des modes de vie qui s'inscrivent dans ces topos. Et c'est nous, pour ça aussi qu'une pensée, là, la pensée Blanchot que reprend aussi Deleuze, de l'illéité contre ce « je et l'autre », moi et ou l'intérieur-extérieur, mais qu'une illéité, c'est dans l'advenu d'une rencontre sensible, d'une intensité, cette illéité tombe, comme la pluie, elle tombe au monde. Ce tomber au monde n'appartient à personne. Elle ouvre un tiers-espace qui lui-même prend sa singularité par-delà les êtres qui constituent déjà l'espace. Et ça enlève l'épine du pied d'une dialectique infinie, dans laquelle le langage et toute la pensée, je dirais, jusqu'alors, nous engluaient. Et là, on essaie aussi d'ouvrir cet endroit de l'illéité qui va de pair aussi avec cette pensée du seuil. Hein. C'est depuis cette illéité qu'on doit penser, depuis un seuil mouvant. Et l'habité ne se pense que depuis là, en fait. Et pour revenir à cette question du droit, après, dans cette pensée de la désappropriation, il y a aussi, on pourrait dire, une vision un peu quand même de lutte. Il y a bien, pour que cette multiplicité se redéploie, il va falloir lutter contre les forces d'occupation. Et donc, public. Voilà. Parce et que donc pour là, la seule, je dirais, pensée de l'espace, pour l'instant, elle se résume à privé d'un côté, public de l'autre. Au mieux. Justement, quand on arrive à des cas limites, c'est-à-dire où la terre, dans la possibilité de réouvrir de la vie, est engagée, c'est-à-dire ce qui était appelé auparavant le commun, eh bien on est obligé d'arriver à la dernière limite du patrimoine de l'humanité, pour éviter que ça échappe en partie au domaine du public, c'est-à-dire là où il y a un contrôle total du politique. Mais ça reste encore pris dans le patrimoine de l'humanité. Voilà. Alors que c'est là où nous, la question de l'habiter et des lieux de vie... C'est-à-dire, non, mais c'est les modes d'habiter qui doivent redéfinir, réarticuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle politique général qui doit permettre une gouvernance globale qui aurait une orientation écologique. Parce que ça va encore complètement dans le sens de la biopolitique et toujours de cette unification générale qui est complètement, enfin, qui pour nous est insupportable. C'est vraiment, à chaque fois, c'est les mouvements collectifs qui, à travers le mode de vie qu'ils déploient, doivent aussi inventer les articulations, le mouvement institutionnel qui va lui correspondre. C'est là toute la difficulté, sans non plus se figer dans une identité. Mais quand on regarde même les juristes qui travaillaient sur en Afrique, comment dans, je sais pas, 50 mètres, dans un territoire 50 mètres carrés, il y avait des collectifs qui coexistaient, qui avaient des modes de vie, mais complètement hétérogènes. Et ils arrivaient malgré tout à coexister, quasiment dans un même lieu de vie, à quelques kilomètres d'intervalle. Donc, je veux dire, ça a été possible, donc c'est encore possible. Il n'y a pas besoin de penser à un dispositif juridique qui doit s'appliquer à la planète entière. Donc, la question du droit, elle peut être à un moment ponctuellement stratégique. C'est-à-dire, comme là, on voit bien que des juristes s'interrogent sur la question du le rapport entre droit et propriété. Donc, ils essayent d'utiliser la notion de patrimoine de l'humanité pour, au final, redonner un espace aux choses communes. Donc là, d'un point de vue ponctuel, tactique, dans la lutte, ça peut être intéressant. Après, il faut... Elle peut pas être un but politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque l'inversion. C'est-à-dire que l'espace du politique, c'est comme s'il fallait ramasser les morceaux de cas concrets où le droit aurait lui-même décidé à partir d'où se constitue tel rapport. Et l'espace politique récupère cette exigence de droit. Donc c'est comme si la philosophie du droit avait complètement encadré l'espace politique. Alors que nous, l'espace politique, c'est plutôt de dire... Il nous permet de dire qu'il y a de la lutte, donc du différent, ce qui veut dire que l'espace du droit lui-même est toujours grévé de hors-droit. De hors-droit, de troué. Mais d'ailleurs, les juristes là, sur lesquels on a travaillé, ils sentent bien que ça pourrait mettre en question la notion même de droit. Donc c'est très intéressant, là, quand on arrive, que les juristes eux-mêmes, on arrive presque à la limite même de leur propre discipline, là, ça devient vraiment très intéressant, parce qu'on sent qu'ils touchent à quelque chose. Alors bien sûr, ils ne vont pas jusqu'à complètement déstructurer, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Qui n'est pas loin, parce que justement, le petit alinéa qui reste dans la Constitution, mais non effective en termes légal, essaie de définir le commun comme ce qui justement n'est pas approprié par l'homme, c'est-à-dire en gros l'eau, les bêtes sauvages et autres, mais des choses communes. En tout cas, on n'indique pas l'ensemble des entités qui font partie du commun, comme voilà, il dit. Il y a un etc. Il y a quelques points, trois petits points. Il dit, si vraiment on était sourcilleux, on pourrait dire que l'ensemble des êtres du monde font partie du commun. Et en ce moment-là, on renverse l'ensemble de la sphère du droit comme une chaussette parce que il n'y aurait plus de droit possible. Il n'y a plus d'appropriation. Il y aurait plus qu'une extériorité totale. Le droit ne vient plus légitimer une appropriation. Il vient au contraire ce qui vient limiter la possibilité, empêcher la possibilité d'une appropriation. Donc c'est intéressant. Là. Parce que pour certains copains, contrairement à cette chaussette qui sera sur le banc de Mobius, ça serait étendre le désert que de. C'est étendre le désert que de donner le statut, par exemple, de personne non humaine aux dauphins, comme ça a été fait en Inde dernièrement. Ah oui, c'est-à-dire. Statut de personne non humaine. Ah oui. Bah là c'est clairement une remise en question aussi du système juridique. Mais on voit bien que là, c'est comme si le droit qui s'est constitué à la modernité aussi sur l'idée de sujet, la personne humaine, bah, on voit bien que ça est en train de péter dans tous les sens, quoi. Qu'on en arrive à des paradoxes internes au droit, mais qui indiquent bien aussi la limite du droit, qu'il va falloir penser aussi des modes d'articulation politiques qui vont plus s'appuyer que sur le droit. Et c'est là où je pense que ces inventions-là, elles vont forcément se faire à partir justement des manières d'habiter. On ne peut pas a priori produire un modèle, un système de comment on va s'organiser. Non, c'est vraiment... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on pense et qu'on espère que les choses vont pouvoir s'ouvrir. C'est que c'est les modes d'habiter qui vont définir les modes d'articulation. Donc, inventer des modes d'articulation. Comme il y en a eu des milliers, je veux dire... Là, l'exemple en Afrique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait coexistence dans un même lieu d'une communauté sédentaire, communauté nomade, et qui traversait le même lieu, mais avec des modes de vie complètement hétérogènes, des manières de s'organiser. Puis des fois, ils pouvaient se rencontrer, passer les uns à côté des autres. Mais l'existence de l'un ne supposait pas la destruction de l'autre. C'est cette variété-là qui nous paraît intéressante. Et d'une certaine manière, sur le plateau des Mille Vaches, il y a des choses comme ça qui sont en germe. Je pense qu'il y a des tentatives, enfin, nous c'est ce qu'on y voit, qui sont de cet ordre-là. Quoi. C'est un plateau qui est traversé de lignes, on pourrait dire des lignes de vie. On ne peut pas complètement circonscrire, parce qu'il y a une stratification temporelle entre les 68 arts, entre les mémoires de la résistance, entre les nouveaux là, qui sont arrivés. Enfin, toute une stratification comme ça de temps de lutte différents. Il y a des lieux de rencontre, de passage, C'est vraiment très intéressant ce qui se passe ici. Et on n'est pas dans le choix de vie binaire, ruralité-campagne, puisque ça se traverse aussi. Et donc, quelque part, toutes les binarités de où tu habites ne fonctionnent plus. Et c'est là où, justement, bah, dans ces cas-là, il faut justement retrouver des lignes discontinues, un peu à la, justement, les lignes de Deligny. C'est discontinu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer une continuité de vie dans les formes de vie. Alors justement, avec Agamben, c'est un petit peu notre souci, c'est-à-dire que quelque part, plus il va dans sa pensée, plus il essaie de penser en quoi la vie tient du commun, c'est-à-dire ce sur le quoi l'homme ne devrait pas pouvoir, qui ne pourrait pas capturer. Capturer. Et au même moment, comme il le pense toujours depuis le pouvoir, depuis une certaine façon... Depuis la capture. Depuis la capture, au final, on se demande politiquement quelle est la possibilité, qu'on n'a jamais vraiment vue explicitée, comment se sortir d'une mainmise en dehors tout simplement d'un travail, on va dire, conceptuel, de dire, oui, la vie ne doit pas se soumettre à un registre de... du droit, de la contagion qu'il a vu effectivement dans le naissance, nationalité, enfin cette conjonction-là. Oui, une fois qu'on le dit, mais politiquement, comment on le met en œuvre ? Cette mise en œuvre, ça et là, apparemment, il y a un texte qui est assez beau sur la question de l'exilé. Il y a toujours... Enfin, de penser l'espace politique non plus depuis la figure du sédentaire, mais du citoyen sédentaire, mais depuis la figure du réfugié. Donc là, potentiellement, alors j'en discutais avec lui, je lui disais, est-ce que vous avez développé cette hypothèse ? En fait, c'est une hypothèse comme ça qu'il esquisse à la fin d'un texte, et au final, il l'a laissé en chantier, quoi. Il l'a jamais redéveloppé. Et nous, ce qu'on essaie de penser à travers l'espace d'inscription, c'est ça, c'est-à-dire l'espace d'inscription qui traverse ce topo, ce sont ces lignes, en fait, qui ne sont pas localisables, mais qui rendent possible un mouvement, qui rendent possible des traversées, qui fait qu'un topo, ce n'est jamais, on ne va pas le circonscrire, au final. Et donc c'est plutôt à partir d'une certaine forme de nomadisme, c'est-à-dire la possibilité d'un passage, qu'on va repenser le rapport à l'espace-temps. Mais un passage politique. Qui n'est plus dans l'idée un petit peu... Deleuzienne, mais aussi de l'époque, c'est-à-dire d'un mouvement, hein, d'un mouvement presque transhumance, c'est pas du tout ça. Non, c'est dans la possibilité de laisser advenir les résonances, dans le temps et dans l'espace. La résonance ici, elle est effectivement liée à la résistance. Il y a une stratification de temps qui se réveille. Stratification de lutte entre Notre-Dame-des-Landes et ici, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est déjà une lutte aussi des années 70 par rapport à Plogoff et compagnie. Enfin, c'est plein de luttes qui commencent à se réveiller, effectivement. Vandana Shiva d'un côté, les graines avec Cocopelli ici, qui repart à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, tout ça, tout se réveille dans un même chantier, si on peut dire, mais des lignes discontinues. Il n'y a pas une mondialisation de ces luttes. C'est une discontinuité, mais qui résonne ensemble, et qui ne demande pas une coordination. Mais comme on l'a dit par ailleurs, pour un petit peu couper cette espèce d'idée d'une connaissance comme quelque chose de cumulatif, on appelle ça une connaissance, c'est-à-dire une naissance dans un même mouvement. Dans un être avec. Donc l'être avec... qui n'est pas un être singulier, qui n'est pas un avec de conjonction, mais qui fait que ça peut résonner. Ça met en mouvement à distance ce qu'on appelle aussi des fois pathique, mais télépathique, dans le sens où il demande à être dans un toucher dans la distance, hein, et pas dans la proximité. Et puis c'est la rencontre qui ouvre la transformation des êtres. Justement, c'est ça la connaissance. L'autre n'est pas objet. En fait, c'est une naissance réciproque dans la rencontre. Ce serait ça, la connaissance, c'est de faire l'épreuve de cette transformation réciproque dans la rencontre. Et on essaie ça aussi, de pousser un petit peu ça dans... Dans un autre livre qu'on est en train de préparer. Même là, dans La Soirée intérieure, dans Les Manses. Oui, dans Les Manses. En essayant de prendre ce terme de Nietzsche, l'amour du lointain, à la différence de l'amour du prochain, de l'amour de celui qui est en proximité. Cet amour du lointain, c'est l'amour des spectres, c'est l'amour de... Des choses les plus qui nous inquiètent et quand j'appelle résonance, c'est justement c'est que l'autre encore m'inquiète quelque part, il m'inquiète dans ce sens, il va me raviver, on se côtoie mais sans jamais venir demander une approbation dans ce et c'est en même temps cet écart qui ouvre et permet l'amour. Je veux dire, même dans l'amour, dans une rencontre, c'est toujours ce qui chez l'autre m'étrange, m'inquiète aussi, ce que j'arrive pas à m'approprier, qui sans cesse redéploie l'amour. C'est là où, par exemple, nous, ce qui nous énerve un petit peu dans la psychanalyse, c'est toujours de penser l'amour à partir de l'aliénation. L'aliénation affective, c'est pas l'amour, pour moi. Donc, ils confondent, pour moi, l'amour, qui pour moi est ce qui doit ouvrir, au contraire, qui ouvre les êtres depuis la rencontre. Propre désappropriation. Voilà. Et pas l'aliénation affective qu'on peut avoir, en effet, vis-à-vis de ses parents, ou même à l'intérieur de couples. Il y a plein de couples, en effet, qui se constituent. Au départ, il pouvait y avoir une rencontre, et puis petit à petit, on voit bien que ça se transforme en aliénation affective, et qu'ils vont se souder dans cette aliénation. Mais pour moi, c'est, j'appelle pas ça l'amour. Et le problème, c'est qu'ils vont associer l'aliénation affective à l'amour. Non, l'amour, c'est quelque chose qui est l'événement, qui réouvre. Et donc nous, on va essayer de penser, repenser l'amour, redonner en fait place à l'amour, mais aussi à alors ce qu'on appelle l'aimance, donc c'est le concept qu'on reprend à Derrida, mais qu'on fait autre chose en fait, parce qu'on le redéploie pour penser justement la possibilité d'une rencontre pathique entre l'ensemble des êtres. C'est-à-dire que l'aimance peut se déployer entre un être humain, un animal. Entre des êtres humains, il y a une relation d'amour, une relation d'amitié, mais il y a des relations d'aimance qui peuvent se déployer aussi par-delà la sphère anthropocentrée. Quoi. Donc, pourquoi ? Parce que justement, on essaie justement de distinguer ce que, habituellement, par exemple, on appelle la philia ou la philie, la zoophilie. Ça veut dire que déjà, la zoophilie, on est en train déjà de déterminer deux entités dont l'un serait pour être le sujet ou l'objet de l'autre. Alors que là, nous, dans l'aimant, c'est pas ça, c'est quelque chose comme du pathy, comme rend ouvert la possibilité d'être sensible, et qui fait qu'à un moment un devenir nous traverse, sans penser que l'autre, je suis en train d'éprouver une chose pour l'autre, dans son entité propre. Ni m'identifier à lui, parce que la psychanalyse pense toujours en termes d'identification, voilà. S'identifier à un animal, c'est... non, ce qui est intéressant de Deleuze quand il pense le devenir, c'est qu'à un moment, on n'est plus dans l'identification, qui suppose toujours déjà l'identité de chaque être. Et pour nous, l'amour, l'aimance, c'est cette possibilité-là. Et si ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a un moment insurrectionnel, un moment révolutionnaire, ça suppose qu'il y a une aimance qui se déploie, qui fait que ça traverse les corps. Et que, ça traverse les corps, ça remobilise les corps, ça bouleverse, il y a un bouleversement sensible qui est en jeu. Donc un moment insurrectionnel est toujours accompagné d'une forme d'aimance, qui fait qu'on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus qui est objet, qui est sujet de l'amour. En fait. C'est là où on n'est pas très en phase avec Lacan dans sa théorie, dans sa tentative de penser le transfert, où justement il va penser le transfert dans le rapport entre à partir du modèle de la philia grecque qui suppose ce partage entre sujet et un objet. Pour nous, non. C'est, encore une fois, c'est à partir de l'espacement, de l'intervalle que va s'ouvrir la. Qu'une rencontre va permettre une transformation des êtres en jeu. C'est lui qui donne la ceinture extraordinairement bien. Et c'est ce qui était d'ailleurs pour Deleuze quasiment le plus grand poète, hein, c'était Gerasim Luka. C'est pas pour, quand il va dire anti-Oedipe, ce qu'il prend à Gerasim Luka, la condition non-oedipienne, c'était vraiment effectivement pour aller contre cette condition, théoriquement, dans la théorie psychanalytique, justement, de partir à partir d'une aliénation, alors que lui, justement, dit, l'amour, c'est toujours l'invention de l'amour, sur comment tu l'inventes, c'est-à-dire toujours dans l'écart. Quand Deleuze dit bégaiement, moi ça me gêne dans le sens où ça caractérise, mais ce que je veux dire, c'est, oui, dans ce battement infini qui fait que, justement, dans le fameux poème extraordinaire de Passionnément, le pas, pas, pas, pas, tu ne sais jamais si c'est le pas positif, le pas qui est en retrait, le pas entre les deux pas, tu ne sais jamais quel pas. Donc la passion, c'est toujours déjà de ne pas savoir à quel pas je me voue. C'est justement un seuil toujours mouvant. C'est là où il est mouvant, tu ne sais pas. Et quand il fait battre ce seuil incessamment dans la passionnément, ça gonfle la passion. Donc ce gonflement, c'est ça l'invention de l'amour. C'est faire gonfler. C'est comme Deleuze dit, mais c'est extraordinaire l'invention érotique de Masoch, parce qu'il gonfle le temps de l'érotisme. Il n'est pas là pour tout de suite l'opérer. Il gonfle son l'espacement. Temps. Il va espacer le temps où les corps vont trouver une expression la plus tensionnelle. Hein. Et il dit, il faut tel ou tel ou tel critère pour ouvrir de plus en plus cette différence des corps. Alors que la psychanalyse va encore mettre l'accent sur rapport de domination, sujet-objet, plutôt que de voir... Plutôt que de mettre l'accent, d'aller voir justement l'espacement qu'il ouvre. C'est-à-dire Masoch, dans cette tension qu'il met avec la femme, cet espacement, comment il déploie un espace de tension énorme qui est vraiment intéressant. Et pas simplement à chaque fois le fixer en final, oui, sur le sujet, l'objet. Alors en partie, c'est là où il y a, enfin, dans la souveraineté du dehors, en effet, il y a toute une partie sur l'érotisme, sur l'amour. Mais qui va de, justement, je reviens dessus parce que par rapport à ce que c'est une qu'on essaie de faire, sur le concept de fétiche. Parce que justement, si on le caractérise tout de suite, on va le penser en termes de fétichisme. Et quand on revoit à partir d'où a été mentionné le terme de fétiche, on se rend compte que c'est un terme colonial, pour tout simplement neutraliser les éléments qui sont toujours débordants dans leur corps. C'est-à-dire, un serpent peut être l'objet d'un fétiche, dans le sens où il caractérise des forces cosmiques qui me dépassent. Chez les Indiens Hopis, c'est le serpent éclair. Mais le serpent physique correspond à un enjeu cosmique qui dépasse l'homme. Et ça peut être un objet matériel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépasse le sens de l'économie. Et donc, pour nous, on va essayer aussi de repenser la question du fétiche, lié aussi à l'érotisme, en tant que, justement, ce dépassement d'une sphère, d'une représentation et de l'économie. Et donc, c'est en partie la critique qu'on peut essayer de faire aussi, en partie à Freud et à Marx, qui reprennent le fétiche dans le terme... Dans le sens colonial. Pile poil du sens colonial. C'est-à-dire comment on a neutralisé de façon à ce que cet objet représente déjà quelque chose. Mmh. Alors que manifestement, on va fixer une signification, il est déjà quoi. Tout autre chose que ce qu'il représente. Dans le cadre de ce qui n'est pas un objet. C'est-à-dire que dans la pensée de, enfin, moderne, en fait, anthropologie moderne, le fétiche, c'est la projection d'un sujet humain, d'une force, sur un objet. Alors, on voit bien à quel point c'est complètement anthropocentrique, ethnocentrique. C'est vraiment, ça suppose le sujet, ça suppose un objet qu'on détermine. Et après, la projection de l'être humain sur l'objet. Donc, on dit, mais non, ce qui est intéressant dans la condition fétichiste, c'est qu'au contraire, l'objet est toujours déjà habité par du lointain, une dimension qui est irréductible à sa caractéristique d'objet. Et qu'au final, en pensant en termes de projection, on va tout de suite essayer de fixer une signification sur l'objet, alors même que ce qui est intéressant, c'est plutôt le lointain et cet écart qui habite toujours déjà l'objet. Et en fait, la relation au fétiche, en fait, ce qu'elle permet, c'est de dire les objets sont toujours déjà habités par du lointain. Et c'est cette dimension-là qui est incommensurable. Et qui même fait... pensé comme fétiche. Exactement. C'est comme psychosomatique. Exactement. Oui, voilà, c'est exactement. Et donc, en fait, justement, c'est cette partie-là de cette réflexion sur fétiche, au final, on critique la conception, la théorie du fétichisme, et celle de Marx, et celle de Freud, pour redéployer justement ce qu'on appelle, reprend à Nietzsche, cette idée de l'amour du lointain. Dans le sens où tous les deux, l'un va essayer de théoriser une économie. Oui. Capital, et l'autre une économie psychique. Voilà. Donc il y a toujours, et c'est un petit peu là où on essaie de mettre un peu à travers bataille, parce que quelque part il y a eu des lignes de flottaison entre les deux, parce qu'à certains moments il garde une économie, par exemple celle de la dépense, et en même temps il va des fois ça et là s'en arracher dans la souveraineté, ou à certains moments l'érotisme, où la transgression n'est pas forcément un rapport à une économie qui le précède, mais toujours déjà l'excès de vie, si on peut dire. À ce moment-là, l'érotisme nous intéresse. Quand c'est toujours l'excès, c'est-à-dire avant même qu'on présuppose un cadre économique dans lequel un circuit fonctionne. Oui, parce qu'en fait, même, c'est vrai que même chez Bataille, il y a vraiment deux choses. Il y a sa pensée de l'économie et de la dépense. Et le problème, là, ce qui nous pose problème, c'est qu'il va présupposer que l'économie est première, que la dépense vient trouer, en fait, l'économie de l'intérieur. Mais ça veut dire que l'économie, c'est ce qui est premier. D'ailleurs, dans La part maudite, il commence par la définition de la vie, mais une vie qu'il pense sur un mode biologique. Et donc, il va définir ça, et puis après, il va voir comment, à l'intérieur de cette vie, il y a un excès qui surgit. Alors que nous, ce qu'on appelle le dehors, et la souveraineté du dehors, c'est dire non. Ce qu'il appelle l'excès, en fait, c'est toujours déjà premier. En fait, l'écart précède. En fait, l'économie n'est toujours que seconde. Et l'économie, c'est ce qui va, au contraire, essayer de fixer, stabiliser, créer un équilibre à l'intérieur de forces qui sont toujours déjà mouvantes et qui nous échappent. Et donc, c'est ça, pour nous, la souveraineté du dehors, en fait. C'est au contraire. Et ce qui nous intéresse dans le concept de souveraineté, c'est ce qui la oppose à l'utilité. Et c'est tous ces moments, pour lui, qui surgissent dans le rire, dans l'érotisme. Et on dit, mais non, c'est ça qui est premier. Et c'est la discussion qu'on avait avec Agamben. On disait, mais dans le concept de désœuvrement, qui recoupe quand même dans ce qu'il disait, c'était presque la définition de la souveraineté chez Bataille. Hein. Je ne voyais pas grande différence. Je disais, mais le problème, c'est que vous supposez malgré tout l'œuvre. le désœuvrement vient après l'œuvre, comme qu'il disait, quand il disait sur la bouche, qui est en fait le premier élément de l'appareil digestif, qu'en fait le désœuvrement c'est la poésie, c'est-à-dire la parole qui fait qu'on transforme un élément fonctionnel en autre chose, ou bien que là il suppose quand même que la fonctionnalité serait première, et qu'au final le désœuvrement viendrait après. Mais non, il est là, c'est au contraire, à la limite, ce qu'il appelle désœuvrement, ce qu'on appelle souveraineté, c'est toujours déjà, c'est ça qui précède. Et c'est la démesure qui précède. Et en fait, la mesure ne vient qu'après pour essayer de réguler, stabiliser. L'économie n'est toujours que seconde. Et pas ce qui, en final, il doit être présupposé. Et que la souveraineté du dehors, et la possibilité de penser la politique depuis la souveraineté du dehors, c'est d'accueillir justement et de dire il y a toujours déjà un écart, une part qui nous échappe et qui nous précède. Et que, sur lequel on n'a pas de prise. Et que c'est parce qu'on permet la persistance de cet écart, permet son articulation, que du passage est possible, que de la rencontre est possible, que simplement la vie est possible. Pour une image non simple, c'est justement quand on pense à un fleuve, on pense que c'est avant tout une dérive dans laquelle de l'eau coule. Non, c'est avant tout un débordement excessif de l'eau quelque part qui fait rive. Les rives ne sont que toujours secondes parce que c'est déjà le creuset et l'intempestivité de l'eau qui vient creuser et qui fait que les rives sont... Donc ça veut dire que ce qu'on appelle économie, c'est entre guillemets les rives. Par contre, on va essayer de stabiliser. Le cours de l'eau. Voilà, le cours de l'eau, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir de partout. Son débordement, son jaillissement n'est pas déjà borné. C'est elle qui est déjà toujours en débord, à partir duquel un bord vient se constituer plus ou moins. Et plus que moins. Les rives, plus, mais moins, parce que tout simplement, ça passe en dessous, ça passe au-dessus. C'est jamais, jamais là où on l'attend, quelque part. Et alors que, justement, la biopolitique, ça va être une tentative de réguler tout. Les rives, tout, délimiter, pour qu'il n'y ait jamais qu'il y ait de débordement. C'est là où ce vocable de flux est très, très problématique, parce que le flux indique toujours, justement, les bords avant tout. Hein, c'est-à-dire que les flux, dans les flux compositifs, mais c'est pour ça que le mot flux, déjà pour moi, indique trop déjà une positivité, même si on arrive à lui donner d'autres registres. De ce même exemple de la rivière qui frayerait en même temps. Voilà. Pour les processus ou de flux. Dans ses cours, il parle exactement du même exemple. Qui ça ? Deleuze ? Ah oui. Parce que là, on voit bien que le bouillonnement, ou même simplement des flux, une pluie, c'est pas un flux, dans le sens où il y aurait déjà un canal. Qu'on pourrait déjà déterminer. Les infiltrations, on ne sait pas. Après, le problème du flux, c'est que ça a tellement été repris, on voit bien aujourd'hui, la politique. Nous, on ne le reprend pas pour ça, parce qu'il est trop pris, même dans la conception même cybernétique, donc flux d'informations, tout de suite, c'est-à-dire des formes positives, appropriables, mesurables, quantifiables. Donc, alors que nous, ce qu'on essaie de penser, justement, par. En dehors ou dans l'écart, c'est justement ce qui toujours déjà ne peut pas être capturé. Et d'ailleurs, pour revenir à Gaben, justement, il y a son traducteur américain qui s'appelle Daniel Ehrhoazen, qui est quelqu'un qu'on aime, un auteur qu'on aime beaucoup, qui a écrit presque le pendant d'Homo Sacer, on pourrait dire. Parce que Homo Sacer, il part de la vie capturée. Donc, le point de départ quand même de sa pensée, c'est comment la vie est capturée par le souverain. C'est-à-dire qu'il part du souverain. D'ailleurs, le point de départ, c'est Carl Schmitt. Alors que ce que va faire Daniel Ehrhoazen, lui, il ne va pas partir de la vie capturée, il va partir du pirate. Qu'on ne peut jamais capturer. C'est-à-dire celui qu'on n'arrive jamais à capturer. Donc là, c'est très intéressant, parce que là, il y a un reversement. Inverse. Et c'est là, à partir de ça, qu'il va penser le commun, notamment. Et c'est en lisant lui au début qu'on a découvert la problématique des choses communes et qu'on a après été chercher, qu'on a vu à quel point ça rentrait en résonance, ça mettait en jeu plein de choses. Mais c'est dans ce texte-là, au départ, qu'on a repéré cette problématique des choses communes. L'ennemi de tous. Ouais, c'est ça. Voilà. Et justement, où il fait fonction, où le pirate fait fonction de seuil. On ne sait jamais où il est parce qu'il met toujours en crise là où l'autre postule où serait où le pouvoir l'Empire britannique. C'est là, à l'intérieur et l'extérieur. Et là, on a trouvé que c'était parmi les derniers textes politiques, parmi les plus offensifs. Parce qu'enfin, on n'est plus simplement à savoir si c'est une figure hors la loi, une figure, enfin, un contenant, mais celui qui met en crise de façon à nous obliger à reposer ce qui fait fondation de l'espace politique moderne. Et que là, je trouve que c'est une critique virulente à la fin, on voit bien. Hein, puis qui ne suppose pas le pouvoir de capture. C'est ça. Le point de départ, ce n'est pas le pouvoir de capture. Non, c'est l'être qui n'est pas capturé, justement, qui échappe à la capture. C'est là qui est, Par rapport justement à Agamben, parce qu'il avait fait un autre ouvrage qui était de type déconstructionniste, enfin de la déconstruction, mais justement, à la différence de Derrida qui laisse toujours un point aveugle, mais on se demande à un moment donné à quel monde il veut se vouer. Là, quelque part, il n'est pas pharmacon, le pirate. C'est le... Comment il s'appelle l'autre qui devient... Le pharmacon, c'est le... L'autre figure de la piraterie, mais qui est... Ah oui, le corsaire. Le corsaire. Le corsaire est pharmacon, parce que dans ce sens, où, comme certains hackers d'aujourd'hui, à tout moment, il peut basculer ou dans le pouvoir de l'État ou d'un privé, ou revenir à ses propres enjeux personnels. Et à tout moment, il peut basculer d'un régime à un autre. Ça, c'est un régime pharmacon. Mais c'est un régime du corsaire, où il peut prendre un fagnon, l'enlever quand il veut. Un pirate, il dit « je n'ai pas de fagnon ». C'est tout simplement « je serai toujours dans une forme de mise à l'épreuve de tous ceux qui voudraient me circonscrire ». C'est ça l'insoumission. Celui qui met toujours en crise la frontière. Il dit « je suis là ou pas là ». Il est ce que nous on appelle le sauvage. Il est celui qui va faire l'interruption, l'irruptif, l'intempestif. Il est celui qui ne se soumet pas et qui n'est pas là à stratégiquement jouer avec la forme du pouvoir. Et c'est très rare en ce moment de voir ceux qui prennent des lignes comme ça. En fait, c'est ce qui est intéressant dans le pirate, c'est qu'il met en crise les frontières et donc il révèle que les frontières n'est que l'institution par un pouvoir, la fixation par un pouvoir d'un seuil qui est toujours mouvant. En fait, il y a un seuil qui est toujours mouvant et hop, un pouvoir va dire c'est là, l'intérieur, l'extérieur. Et justement, à un moment, il y a tout un passage justement sur la question du littoral. Parce qu'en fait, c'est où poser la frontière, parce que le littoral il est mouvant. Du commun qui normalement est de la mer et de ce qui appartient à l'homme du côté de la terre. L'estran. Voilà. Et là, c'était très drôle parce que justement il dit à un moment donné, ils ont attendu que la mer soit le plus retirée, ils ont mis un pieu et ils se sont dit, là c'est bon, on va gagner un petit peu plus sur la mer. Je trouve ça très drôle. Et puis sinon aussi, l'invention qui était géniale qu'il a notée, l'invention du droit, et c'est pour dire à quel point c'est une fiction, c'est comment faire pour qu'un bateau sous soi-disant la bannière britannique appartienne encore au morceau de terre britannique. Bien, il a fallu dire que ce bateau, c'est une île flottante qui se meut et qu'il appartient véritablement à la nation britannique. Oui, parce qu'à partir du moment où il traverse la frontière et qu'il est dans le commun, il n'y a plus rien. Il n'appartient plus. C'est plus une couronne britannique. Donc il a fallu le territorialiser, justement, faire un morceau de terre. D'être toujours chez lui, d'être une espèce de nomade. Quand on le territorialise, en effet, on dit c'est une extension de la terre. Mais sur la mer, en fait. Le pirate, le problème, c'est qu'on ne peut le qualifier encore de nomade dans le sens... C'est-à-dire qu'on le qualifie un petit peu comme une sorte d'errance, alors que non, tout simplement, il n'est pas soumis à un territoire. Il ne faut pas confondre le fait qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un territoire, parce que c'est un fondement politique... Ça suppose la détermination de frontières, territoire. C'est pour ça que c'est un mot qu'on n'utilise pas. Cette loi, pour lui, n'existe pas. Donc il n'est pas là pour s'insoumettre, ou pour le transgresser. Ça n'existe pas pour lui. Alors ça, c'est intéressant, ce domaine. Parce que quand Shiva parle de biopératrie, ce n'est pas une expression de l'heure que vous utiliserez. Non. Mais c'est pour souligner ce côté... Mais je comprends quel sens elle... Négation de l'altérité. Non, là, elle veut dire, en gros... Enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que contre la loi qui doit préserver, il y a des multinationales qui vont s'accaparer, qui vont voler, en fait. Ce qu'elle veut dire par biopératrie, c'est dénoncer le vol. Mais c'est pas du tout le pirate au sens justement où le développe Heller Roazen, qui est dans un autre sens. En fait, c'est une sorte de renvoi. On veut vous mettre vous-même hors la loi qui composait les lois. Donc c'est plutôt une forme de. C'est plutôt une expression, on va dire. Pour dénoncer. Le renvoi. Mais on va dire, c'est pas la réalité à laquelle la question du pirate pose. Oui, parce que tout simplement, on en arrive là-bas à un point extraordinaire, mais comme ici, où le fait même de cultiver ses propres tomates et de les, tout simplement, avoir la possibilité d'être en vie, tout simplement, n'est plus. Réglementé. Tellement réglementé que... Il faut l'avoir imaginé, cette affaire-là. Qu'une propre racine qu'on a... Qu'on peut plus élever ses bêtes. On a mis de génération en génération, tout simplement, n'est plus possible. Politiquement possible. Là, par exemple, c'est là où on voit que la politisation d'un espace qui normalement ne devrait pas lui être consacré, c'est-à-dire la possibilité même d'être en vie. Et là, c'est la biopolitique, à l'état pur, sur lequel est revenu Agamben. Donc c'est là où il faut faire attention entre un mouvement de politisation, qui essaie d'avoir ce mouvement, comme il le dit, je sépare puis je réintègre, d'une politique qui dit, c'est une affirmation que quelque chose en lutte pour qu'un espace sensible, tout simplement, puisse se redéfinir, se réouvrir. Pour moi, c'est... Enfin, voilà, mais il y a du hors politique. Il y a du hors politique. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est mis en péril par la biopolitique. C'est qu'elle s'est tout intégrée dans l'ordre du politique. Absolument tout, tout, tout. Dans l'ordre du droit. C'est... Donc, il n'est plus tout est politique. Ah non. Ah non, non, non, surtout pas. Non. Comme Nancy, d'une certaine façon. Mais c'est pour aussi territorialiser des arts, amour, sur le côté. Eh oui. Non, enfin, ça serait pas forcément dans ce sens-là. Voilà, non, c'est pour, c'est pour dire non, la vie n'est pas politique. Il y a toujours ce qui échappe aux politiques, ce qui devrait échapper aux politiques. Et qui, pour moi, échappe de toute façon. Oui. Donc là, parce que la biopolitique n'agit que sur du vivant. Elle, au contraire, elle nie la vie au profit du vivant. Voilà. C'est-à-dire, elle a besoin d'objectiver sans cesse des objets, enfin, des entités sur lesquelles elle peut avoir prise. Donc c'est là aussi, on essaie de penser la vivance d'un collectif. C'est ce qui fait que un collectif n'est pas réductible à la somme des individus. Et qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas appréhendable dans le temps. Et là, des organismes qui le composent. Sur Ecolalie là, de Alain Rosen, c'est magnifique. En disant à quel point il y a les anthropologues ou ethnologues sont les fossoyeurs justement de où commence ou débute une langue, une vie, un collectif en fait. Et c'est les fossoyeurs tout simplement du collectif. Mais ça, comme on le sait depuis les statues mortes aussi, hein, c'est vraiment, on est les fossoyeurs d'une vivance d'un collectif. Ecolalie, c'est beau. Hein, c'est beau. Tu vois, dans l'écho des corps, c'est un petit peu ça, l'écho de la ligne. Oui, ce qu'il dénonce, c'est la possibilité de dire où et commence une langue. Il dit, mais les langues, elles sont faites de survivance, on n'arrive jamais à déterminer où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles se terminent. Il dit, en fait, ce qui préside à ça, c'est encore une fois le modèle biologique. Chaque fois, on applique, en fait, on transforme, on érige en modèle de compréhension générale, ce qui est simplement une dimension, une certaine dimension de l'existence, qui est la vie biologique, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Mais il y a d'autres dimensions dans la vie que celle de la biologie, de la naissance à la mort. Par exemple, et le problème de l'ériger ça en modèle de compréhension générale. Et il dit, en fait, beaucoup, que ce soit des anthropologues, des linguistes, prennent pour modèle justement l'élément biologique qui va de la naissance à la mort pour penser les langues. Il dit mais ça n'a aucun sens, les langues ça échappe en fait à la biologie, c'est pas vivant, ça ne vit pas sur le mode du bios, enfin de l'organisme en fait, c'est pas sous ce mode là qu'une langue est vivante. Et puis après ça posait la question de la mémoire, mais la mémoire qui n'est pas simplement un lieu des souvenirs, mais quelque chose qui n'a pas de... qui est une texture mouvante, petit, parce que c'est très beau. C'est très beau, il y a un moment donné, il dit, mais un jeune qui veut aller auprès d'un maître de la poésie arabe, il dit, bon, je viens auprès de vous, préparez-moi à être un grand poète. Ah bon? Bon, ben voilà, vous allez devoir m'apprendre absolument par cœur, 1000 versets, absolument, mais vraiment à la lettre près. Oui, maître. Et il le fait donc dans une pure rapport d'élève au maître, discipline. En disant, il faut absolument que je sois dans la pure discipline. Il revient lui, maître, ça je laisse, je viens auprès de vous, je vais vous la citer. Très bien. Alors, maître, vais-je devenir maintenant pouvoir avoir l'apprentissage de devenir poète? Oui, à condition maintenant que tu saches tout oublier de ces 1000 versets. Que tout tu oublier. As appris. Et là, ça nous pose la question, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Puisque maintenant j'en ai fait l'épreuve, est-ce que... parce que justement je suis un mémoire en tant que corps, je ne peux pas l'oublier comme ça, intentionnellement. Donc elle viendra toujours m'habiter, traverser. Me mettre dans ces échos des corps qui sans cesse feront que je ne peux pas être dans la pure production. Donc qu'est-ce que ça veut dire, oui, la mémoire, l'oubli. Donc avant même d'être un poète dans son sens fonctionnel ou poétique, c'est laisse-toi habiter par quelque chose qui ne te... que tu ne possèdes pas. Que tu ne possèdes pas. C'est une petite chose toute simple. Je ne peux pas posséder. C'est vraiment très très beau. C'est un ouvrage. Parce que là, quand il l'appelle à l'oublier, il l'appelle à se déposséder. En fait. Voilà. C'est ça qui... Et puis, au cumulatif, et puis il y a plein de choses. Et l'autre pharmacologue relit Émile Plateau sur la question de la mémoire. Il nous faut une autre mémoire. On sait bien ce qu'il entend par là. Alors plutôt que l'oubli actif. Oubli actif, vous ne vous reprendrez pas ça non plus du coup. C'est chez Nietzsche. Ah oui, je sais pas, on l'a pas traversé, donc il faudrait. Donc on regarde. C'est bien comme ça? Ouais. Comme ça. Mmh. En fait, j'avais peur perpétuellement que la coupure produise de l'effacement. Ah oui, la d'accord. La coupure... décide.